Again, without emotion, the humans are dead. Ok, vous avez pas fini d'entendre parler de ça avec moi. C'était Flight of the Conchords, la pièce Robots de leur album éponyme. Je vais en passer certainement à chaque semaine cet été. C'est maintenant l'heure du bloc F5 informatique, donc on va parler des nouvelles qui ont marqué le monde des ordinateurs. Beaucoup de grosses choses. On commence avec Microsoft. La semaine dernière, Branchez-vous faisait état de l'atteinte de l'échéance fixée par Yahoo pour son acquisition par Microsoft. Et bien, parmi les options figurait l'abandon du projet. Voilà que c'est confirmé. Steve Ballmer, le PDG de Microsoft, a annoncé samedi le 3 mai aux employés de l'entreprise via courriel qu'elle retirait son offre. Si l'entreprise retire son offre, elle refuse de jeter la serviette. Et je cite, « Bien que l'acquisition de Yahoo nous aurait aidé à concrétiser notre stratégie quant à la publicité et aux services en ligne, je demeure confiant, nous pourrons atteindre nos objectifs sans Yahoo », disait Ballmer dans le courriel. Et je cite encore, « Notre objectif est de bâtir une entreprise qui mène dans les secteurs de la recherche, de la publicité en ligne, des médias et du réseautage social. Nous nous engageons à devenir les leaders dans ces secteurs. » Pour y arriver, il faut persévérer, être tenace, se concentrer sur les projets à long terme, innover et travailler fort. Ballmer en a également profité pour remercier les employés de l'entreprise pour leur patience et leur travail acharné. En guise de ponctuation, le PDG écrivait qu'ensemble, ils pourraient y arriver. Toujours au sujet de Microsoft, Mark Emberg, l'initiateur de Lightroom et un des architectes de Photoshop chez Adobe, a quitté la compagnie le 23 avril dernier. La raison, Microsoft lui a offert une place au sein de son équipe de recherche sur l'expérience utilisateur. Il apporte donc avec lui une part de l'intuitivité légendaire des produits Adobe qu'il pourrait bien greffer à la prochaine mouture de Windows. En effet, tout indique que Emberg ne travaillera pas sur une application d'imagerie comme il le faisait chez Adobe, mais bien chez Microsoft dans l'interface utilisateur. Dans une entrevue accordée à Beta News, il confiait, et je cite, « Ne pas pouvoir faire dans l'image ailleurs que chez Adobe, mais devoir faire autre chose que de l'image pour un certain temps. J'imagine que c'est son contrat avec Adobe ou les conditions d'Adobe qui fait qu'il ne peut pas travailler dans l'image. En tout cas, c'est ce que j'imagine. » Et je cite, « Puisque je trouve très désagréable l'expérience utilisateur de Windows et que j'ai à la confronter quotidiennement, cette opportunité était trop intéressante pour que je puisse y tourner le dos. » La rumeur qui court actuellement, vu que Emberg implante dans Windows 7, le prochain Windows, des palettes qui s'adapteront à la tâche de l'usager, un peu à la manière de celle de Lightroom, plutôt d'être présente en tout temps comme celle de Photoshop. Voilà donc, ça c'est Mark Emberg de Adobe qui se joint à l'équipe de Microsoft. Microsoft retarde la sortie de son service Pack 3, SP3 pour Windows XP, qui devait normalement être disponible cette semaine. L'entreprise de soutien... c'était la semaine dernière, pardon. C'est l'article date du 30 avril. L'entreprise soutient qu'il y a un problème de compatibilité entre son ensemble de correctifs et le Microsoft Dynamics Retail Management System, un outil qui s'adresse aux petites et moyennes entreprises. Et je cite, « Afin d'assurer la meilleure expérience possible à nos clients, nous avons décidé de retarder la sortie du SP3 sur notre site Internet et par le truchement de l'outil de mise à jour automatique Windows Update. » C'est ce que déclarait Microsoft dans un communiqué de presse. L'entreprise a spécifié qu'elle compte produire le plus rapidement possible le correctif qui assurera la compatibilité entre le Microsoft Dynamics Retail Management System et son système d'exploitation. Le même problème de compatibilité existe également concernant le service Pack 1 de Windows Vista, mais Microsoft a tout de même décidé de sortir l'ensemble de correctifs le 19 mars dernier. Rappelons que le SP3 de Windows XP est composé de 1073 correctifs, dont la plupart devraient déjà avoir été apportés par les gens qui mettent régulièrement leur système d'exploitation à jour. Le SP3 comprend aussi des fonctions de Windows Vista qui seront intégrées à Windows XP, comme la détection des routeurs trous noirs, la technologie de contrôle d'accès réseau et Network Access Protection, ainsi que le Windows Imaging Component. On passe des PC au Mac. Apple a rehaussé lundi le... est-ce que c'était le 30? Non, c'était le 28, si je me rappelle bien. Enfin bon, peu importe. Le lundi le plus récent, là, je regarde sur mon calendrier, le lundi le 28, c'est ça, c'est bien le 28. Donc Apple a rehaussé sa gamme d'ordinateurs de bureau iMac y ajoutant le tout dernier processeur Core 2 Duo d'Intel et des cartes graphiques plus puissantes. Tous les nouveaux iMac sont munis de processeurs plus rapides et sont également munis d'un bus frontal de 1066 MHz et proposent jusqu'à 4 Go de mémoire DDR2 SDRAM 800 MHz. Le modèle de 24 pouces offre aussi en option une carte graphique NVIDIA GeForce 8800 GS. Les nouveaux iMac offrent en termes de connectivité le Wi-Fi AirPort Extreme 802.11n, un paquet d'affaires techniques, le Bluetooth 2.1 plus EDR, Gigabit Internet, une caméra vidéo i7 intégrée, un total de 5 ports USB 2.0, dont 2 sur le clavier, un port FireWire 400 et un port FireWire 800. Les nouveaux iMac se déclinent en 4 modèles sur le site d'Apple. On trouve le 20 pouces 2,4 à 1300$, le 20 pouces 2,66 à 1600$, le 24 2,8 à 1900$ et 24 pouces 3,06 GHz à 2300$. C'est les nouveaux modèles de iMac. Les films de la plupart des studios hollywoodiens seront désormais accessibles sur le magasin en ligne iTunes à la même date qu'en format DVD, selon ce qu'a annoncé Apple jeudi le 1er mai. Après avoir délogé la chaîne de magasins Walmart comme le plus grand détaillant de musique, Apple peut maintenant s'attaquer plus sérieusement au marché des films. Grâce à cette entente conclue aux États-Unis avec 20th Century Fox, Walt Disney Studios, Warner Brothers, Paramount Pictures, Universal Studios Home Entertainment, Sony Pictures Entertainment, Lionsgate, Image Entertainment et First Look Studios. Les nouveautés seront désormais offertes à 15$ alors que les titres plus anciens seront pour la plupart à 10$. Il est également possible depuis quelques mois de louer un film sur iTunes pour entre 3 et 4$. Parmi les premiers titres offerts cette semaine, les internautes américains pourront télécharger American Gangster et The Diving Bell and the Butterfly. Aucune annonce pour le moment n'a été faite concernant la vente de films sur iTunes Canada, mais c'est quand même une grosse nouvelle. Rappelons que selon le Financial Times, Apple serait également en train de négocier avec plusieurs maisons de disques pour proposer aux consommateurs un accès illimité à sa boutique de musique en ligne iTunes. Donc, fait le tour pour la première partie du bloc F5 informatique. Voici le top des mots-clés les plus recherchés sur la toile du Québec. En cinquième, c'est stable avec YouTube. En quatrième, ça monte, c'est l'Auto-Québec. En troisième, et le reste est stable. Troisième, Hotmail. Deuxième, Horoscope. Et le mot-clé le plus recherché sur la toile du Québec, c'est les packs. Voici Pochic-Chic à la connexion au 89.fm. Les morceaux de Pachic Chic à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Assez fou, 89.1 FM. Non, c'est le bloc F5 jeux vidéo, donc les nouvelles qui ont marqué le monde vidéoludique. On commence avec une étude qui a été réalisée par des chercheurs de la East Carolina University qui révèle des choses surprenantes au sujet de l'effet des jeux vidéo sur l'être humain. Certains jeux offriraient des possibilités thérapeutiques évidentes pour différents troubles physiques et mentaux. L'étude qui s'est échelonnée sur les 6 derniers mois a regroupé 134 sujets qui ont utilisé 3 jeux vidéo populaires, simples et à la portée de tous. On parle de Bejeweled 2, de Peggle et de Bookworm Adventures. Les 3 jeux sont produits par la firme PopCap Games. Certains des résultats obtenus sont carrément spectaculaires. 66% des gens qui ont joué à Peggle affirment avoir vu leur degré de tension diminuer. Hein? C'est bien. Bejeweled 2 et Peggle ont réussi à diminuer les sentiments de colère à plus de 63%. Et Peggle a réduit le sentiment de fatigue en moyenne de 61%. L'enthousiasme a augmenté de 210% chez les personnes qui ont joué à Bejeweled. Et les niveaux de dépression ont chuté entre 37 et 45% dans le cas des 3 jeux. L'un des responsables de l'étude, le docteur Carmen Rossoniello avoue que certains résultats sont impressionnants et même intrigants. Et je cite, si par exemple ce type de jeu vidéo peut diminuer le sentiment de dépression chez des personnes qui ne souffrent pas de dépression, les possibilités thérapeutiques face à une personne dépressive sont énormes. À son avis, il faut poursuivre ce genre d'études puisque, dit-il, les perspectives d'avenir sont des plus encourageantes et je cite, compte tenu de la méthodologie utilisée et des résultats obtenus, je crois que les jeux peuvent avoir une influence positive sur certaines formes de dépression, de diabète et de maladies cardiovasculaires. Il faudra encore beaucoup de recherches scientifiques avant de prescrire un jeu pour guérir une maladie, mais ces résultats confirment la croyance populaire que les gens s'amusent à des jeux pour relaxer, refaire le plein d'énergie et augmenter leur sentiment de bien-être. Voilà une bonne nouvelle dans le domaine des jeux vidéo, ça vient de Canoë. Déjà sélectionné l'an passé dans le top 100 des personnalités les plus influentes au monde par le célèbre magazine Time, Shigeru Miyamoto vient d'arriver premier d'un classement en regroupant cette fois-ci plus de 200 selon un sondage réalisé sur le site du magazine. Avec plus de 2 millions de votes en sa faveur, le créateur de Mario et de Zelda devance ainsi le chanteur de K-pop Rain et Stephen Colbert de la télé, mais aussi Bill Gates en 25e, Barack Obama en 53e ou encore Nicolas Sarkozy en 77e position personnalités les plus influentes au monde par le magazine Time. Ou par les gens qui lisent le magazine Time. On parle de Sony. Sony Computer Entertainment America a annoncé que les joueurs canadiens auront le droit aux mêmes tarifs que leurs compères américains. En effet, alors qu'auparavant, les jeux étaient bien plus chers sur le PlayStation Store canadien, ils seront désormais au même prix. Ça sera valide dès le 1er mai, donc c'est déjà fait avec la mise à jour hebdomadaire. La parité sur le PlayStation Store, ça vient de Hard Gamers. La source en tant que telle est PlayStation.com. Malgré les nombreux démentis de Microsoft, la rumeur du Blu-ray sur Xbox 360 a été relancée plus tôt cette semaine. Le HD DVD étant désormais officiellement mort, Microsoft pourrait rapidement se tourner vers le support haute définition de Sony. Une information publiée par le magazine en ligne DigiTimes semble confirmer cette hypothèse. Selon un article du journal chinois Economic Daily News, la société Pegatron Technology, une filiale de Asus, aurait emporté un appel d'offres afin de produire un nouveau modèle de Xbox 360 équipé du fameux lecteur Blu-ray. Contrairement aux précédentes informations, il ne serait pas question d'un accessoire vendu séparément, mais bel et bien d'une console incluant le Blu-ray. Toujours selon les mêmes sources, Microsoft pourrait profiter de la période lucrative des fêtes pour lancer son nouveau modèle. En fait, la nouvelle a eu des suivis. Quelques jours plus tard, Microsoft dément les rumeurs complètement encore une fois, disant « Regarde, c'est pas le cas. » Hein, arrêtez d'en parler. Mais on sait comment ça marche dans ce domaine-là. Souvent, la compagnie va démentir et ça va finir par arriver quand même. Donc, on va garder ça sur la glace et on espère que ça va se produire une nouvelle console Xbox 360 avec lecteur Blu-ray. Depuis plusieurs années, le domaine Diablo3.com appartenait à une petite communauté de fans de la série Diablo. Eh bien, Blizzard, le 1er mai dernier, a officiellement acquis le domaine en question, en affirmant toutefois que cette décision n'était pas une preuve que Diablo 3 était bien en développement. Non, ce n'est pas une preuve. Si vous croyez à ce hasard, allez au casino, dit l'article. En attendant que Blizzard annonce officiellement Diablo 3, le site Diablo3.com redirige vers DiabloFans.com, qui est le nouveau site de la communauté qui était propriétaire de Diablo3.com avant. L'article vient de jxp.ca. Voilà qui fait le tour pour le premier bloc de nouvelles sur les jeux vidéo. Il va y en avoir un deuxième plus tard, mais avant, voici le palmarès des locations. En cinquième, c'est Super Smash Bros. Brawl sur la Wii. En quatrième, on retrouve Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 sur la 360. En troisième, c'est Grand Theft Auto 4 sur la PS3. En deuxième, c'est Mario Kart Wii sur la Nintendo Wii. Et le jeu le plus loué dans les clubs vidéo, c'est Grand Theft Auto 4 aussi sur la Xbox 360. Voici Won't Be Long to the Hives de la collection. On parle technologie, informatique et jeux vidéo au 89.5. Done. Raise my heart and ring my times won't be around for the bad, and I won't stick around in this town. No, I'm getting out instead. It won't be long à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, c'est le bloc F5, science et technologie. On commence avec une batterie qui dure une heure de plus. Les utilisateurs d'ordinateurs portables pourront bientôt s'offrir une alternative à la batterie lithium-ion pour une heure de plus d'autonomie. L'entreprise américaine Z-Power propose une alternative à la batterie lithium-ion avec sa nouvelle batterie zinc-argent qu'elle s'apprête à lancer prochainement sur le marché selon PC World. Selon le président de Z-Power, la batterie devrait être incluse dans certains ordinateurs portables à compter du mois d'août. Toutefois, Duber a refusé de nommer les entreprises avec lesquelles Z-Power avait conclu une entente. La batterie zinc-argent emmagasine plus d'énergie que la batterie lithium-ion, ce qui donne 40% de plus d'autonomie aux ordinateurs portables selon Duber. Si un ordinateur portable fonctionne pendant 2 heures avec une batterie lithium-ion, il pourrait fonctionner pendant près de 3 heures avec une batterie zinc-argent. De plus, contrairement à la batterie lithium-ion, la batterie zinc-argent est inflammable puisqu'il y a de l'eau dans ses composantes. Ininflammable étant évidemment le mot que j'aurais dû utiliser. Ininflammable. La batterie zinc-argent ne se dégrade pas dans sa première année de vie alors que la batterie lithium-ion perd jusqu'à 30% de son efficacité pendant cette période, observe Duber. Après un an, toutefois, la batterie se dégrade au même rythme que la batterie au lithium-ion. Z-Power lancera d'abord sa batterie pour les ordinateurs portables, mais compte aussi la rendre disponible pour les téléphones cellulaires d'ici quelques années. L'entreprise doit valider sa technologie auprès de ses partenaires d'ici là. Un composant électronique créé dans les années 70 pourrait retrouver une nouvelle vie dans le domaine informatique selon la BBC. Le même Ristor, inventé en 71 par le professeur Leon Chua de l'Université de Californie, fait partie des composants fondamentaux de l'électronique en compagnie des résistances, des condensateurs et des inducteurs. Les mêmes Ristor portent ce nom car ils sont capables de se rappeler la charge électrique qui transite par eux avant d'aller vers d'autres composants, et ce même si le circuit est déconnecté. Des chercheurs de Hewlett-Packard ont récemment découvert qu'ils pouvaient créer un transistor avec deux mêmes résistors. Rappelons que les transistors servent notamment d'interrupteurs ou d'amplificateurs dans les circuits électroniques et qu'ils représentent la base d'un système informatique. Un transistor constitué de deux mêmes résistors pourrait ainsi stocker une charge électrique même si l'ordinateur est déconnecté. Ça permettrait le démarrage plus rapide de l'ordinateur, contrairement au système de mémoire vive utilisé actuellement. De plus, les mêmes résistors peuvent fonctionner de façon autonome même si la batterie d'un ordinateur portable est déchargée. Les chercheurs de Hewlett-Packard soutiennent également que des transistors fabriqués grâce à des mêmes résistors pourraient être encore plus compacts que les transistors réguliers. Et je cite, « Je ne croyais pas vivre assez longtemps pour voir que mon invention puisse être utilisée de cette manière », c'est ce qu'a déclaré le professeur Chua lors d'un entretien avec l'agence Associated Press. « Je suis content de voir que ce n'est pas un concept qui fait partie uniquement de mon imagination, mais que son utilité est bien réelle. » Pour lire un autre article portant sur l'évolution des transistors, allez voir le retour du même résistor sur le site de l'émission au www.unechance.com. C'est le site de la connexion au www.unechance.com. Apple et la compagnie canadienne de télécommunications Rogers se sont finalement entendus pour offrir l'iPhone au Canada selon une annonce faite par Rogers Communications mardi le 29 avril dernier. Le téléphone intelligent lancé l'été dernier aux États-Unis devrait arriver au Canada plus tard cette année, mais le président de Rogers, Ted Rogers, n'a pas avancé de date précise quant à son lancement. Sans grande surprise, les détails de l'entente liant les deux entreprises n'ont pas été divulgués non plus. Selon les rumeurs, la deuxième version de l'iPhone qui pourrait naviguer Internet à grande vitesse sur un réseau 3G contrairement à la première première version qui était confinée au réseau Edge, beaucoup plus lent, pourrait voir le jour aux États-Unis dès le mois de juin. Il y a donc de fortes chances que les Canadiens se voient offrir directement cette deuxième version du fameux téléphone. Aux États-Unis, l'iPhone muni de 8 GB de mémoire se vend 400$. Il y a aussi une version à 16 GB pour 500$ avec un contrat de 2 ans chez AT&T, mais Apple vend la plupart de ses produits un peu plus cher au Canada malgré la parité entre les 2$. Si vous voulez en savoir plus sur ce que Rogers a dit de l'Apple iPhone et pour en savoir plus sur l'iPhone en tant que tel sur Wikipédia, allez voir l'article « C'est confirmé, Rogers offrira iPhone au Canada » sur le www.unechance.com. C'est à compter c'est depuis le 5 mai à 20h que les téléspectateurs convertis à la haute définition peuvent apprécier RDI, le réseau de l'information de Radio-Canada, en haute définition. Malheureusement, tous ne pourront le voir dès maintenant parce que seulement Vidéotron, Cogeco et la coopérative de câble distribution de l'arrière-pays offrent le service RDI HD dès son lancement. Ne devrait pas tarder, pour ce qui est de Shaw et de Rogers. Il n'y a pas d'infos pour le moment, selon Radio-Canada.ca. Pour inaugurer la chaîne RDI HD, petite information comme ça, le réalisateur-coordonnateur François Ayotte a décidé de présenter dans le cadre des grands reportages une sélection de 40 films documentaires conçus à l'origine pour les écrans géants des cinémas IMAX. C'est donc une belle occasion de profiter des avantages du format HD en découvrant les forêts tropicales, les déserts, le ski extrême, les Indes, l'Amazon, les loups, les océans, l'aviation, etc. Donc, c'est commencé depuis le 5 mai à 20h. On rappelle, le samedi à 21h30, RDI en haute définition. Il était temps parce que ça faisait longtemps que RDI était en fausse haute définition. Il diffusait en fausse 16-9 format large, mais en fait, c'était pas de la haute définition. C'est l'heure du bloc Cybercrime! Une nouvelle de tout ce qui est croche, tout ce qui est pas correct, des choses illégales, des choses qui ne devraient pas se passer. Le ministère des Finances italien a mis en ligne les déclarations d'impôts des contribuables avant de se faire rabrouer par l'autorité italienne des libertés individuelles. Les revenus des Italiens ont délibérément été publiés sur le site du ministère des Finances italien. C'était le mercredi 30 avril, si je comprends bien, avec pour objectif d'accroître la transparence et de réduire l'évasion fiscale. Résultat, des milliers d'internautes se sont rués sur le site, le rendant alors inaccessible. L'administration fiscale italienne a publié les noms, adresses, dates de naissance, déclarations de revenus et impôts payés par les contribuables pour l'année 2005. Mercredi après-midi, toutefois, l'autorité italienne des libertés individuelles a interdit la publication de ces informations et ordonné la fermeture du site. Le directeur du bureau des impôts, Massimo Romano, a déclaré à l'agence de presse ANSA que la démarche était dans l'intérêt public afin de permettre la libre circulation de l'information dans un cadre de transparence. « Je n'ai fait qu'appliquer la loi », s'est défendu le vice-ministre des Finances Vincenzo Visco, soulignant que la législation prévoyait depuis 1972 la possibilité pour les citoyens d'accéder aux mêmes informations en se rendant dans les centres des impôts. Les associations de consommateurs étaient partagées. Si certains ont salué un acte de transparence démocratique, d'autres ont dénoncé un instrument honteux de délation. Selon le quotidien français Les Échos, l'article vient de branchezvous.com. Un recours collectif qui reprochait aux fabricants Creative d'avoir exagéré d'environ 7% la capacité annoncée de ses lecteurs MP3 a été réglé mercredi dernier aux États-Unis. Le recours collectif pourrait toucher beaucoup de consommateurs américains puisque tous ceux qui ont acheté un lecteur à disque dur de Creative entre le 5 mai 2001 et le 30 avril 2008, c'est quand même 7 ans, peuvent en faire partie. Même s'il pourrait toucher beaucoup de consommateurs, le recours collectif ne devrait pas ruiner Creative pour autant. Puisque d'après l'entente, les acheteurs lésés vont se faire offrir un rabais de 50% sur un nouveau lecteur MP3 de 1 gig. On rappelle que les personnes touchées par le règlement possèdent déjà un lecteur MP3 à disque dur, hein, normal. Ou encore un rabais de 20% sur tout autre produit Creative Ad acheté dans le magasin en ligne de la compagnie. L'an dernier, un recours collectif similaire contre le fabricant de disques durs Seagate, qui avait également exagéré de 7% la capacité de ses disques, avait permis aux plaignants d'obtenir soit un logiciel de sauvegarde gratuit, soit une remise en argent de 5% du prix payé pour le disque dur. Si vous voulez le lien pour aller vous faire donner des choses, allez voir l'article Creative exagérait les caractéristiques de ses lecteurs MP3 sur le site de l'émission au www.unechance.com. Voilà pour le bloc Cybercrime. Maintenant, voici le top des jeux les plus trichés sur le GameFAQs.com. Les gens ne terminent pas leur jeu eux-mêmes, ne trouvent pas eux-mêmes la solution contre un boss.

Los Campesinos, c'est le death to Los Campesinos, c'est la connexion. On parle technologie informatique et jeux vidéo. C'est fou 89 FM. Maintenant, c'est la deuxième partie du bloc F5 jeux vidéo. On parle de l'expansion d'Ubisoft qui vient d'ouvrir un nouveau studio de développement à Kiev, en Ukraine. D'ici quelques mois, cette société française comptera plus de 800 employés en Europe de l'Est. La ville de Kiev produit environ 7000 diplômés en informatique annuellement. Le studio de Kiev abritera dans un premier temps une douzaine d'employés travaillant en étroite collaboration avec le studio de Bucarest en Roumanie qui compte environ 500 personnes. Si tout se passe comme prévu, les deux studios vont augmenter leur personnel d'ici l'an prochain. Celui de Kiev comptera alors une cinquantaine d'employés, alors que celui de Bucarest, ouvert en 92, abritera au total environ 650 personnes. Il y a deux ans, Ubisoft a ouvert un studio à Sofia, en Bulgarie, où travaillent une cinquantaine de personnes. Le personnel de Kiev va donc collaborer à la mise au point de la version PC de Hawks, qui devrait sortir d'ici l'automne sur différentes consoles de jeux. La haute direction d'Ubisoft se déclare très satisfaite du travail effectué par ses équipes dans cette partie du monde, et je cite... Nos premiers pas en Europe de l'Est se sont révélés très concluants et compte tenu de la qualité des projets qui y sont menés, il nous semble naturel d'y poursuivre notre expansion et de nous attirer un nouveau vivier de talents hautement qualifiés. C'est ce qu'a déclaré la directrice générale responsable de la production internationale depuis 8 ans. Expansion d'Ubisoft en Europe de l'Est, c'est via Canoë. Activision Blizzard ne sera pas présent au E3 Millennium Business Summit 2008 en plus de ne pas avoir renouvelé son adhésion à l'ESA. Alors que la liste des participants semble incomplète, NCSoft et Foundation 9 ont confirmé leur absence de la grosse convention de jeux vidéo. Et de son côté, id Software semble encore indécis en ayant dans un premier temps confirmé puis infirmé sa présence. Finalement, Warner Bros. Interactive Entertainment a clairement indiqué que malgré le fait qu'il ne soit pas sur la liste des participants, la compagnie sera bel et bien présente au rendez-vous de cette année. Chant du cygne pour ce festival qui était il y a quelques années à peine la référence des réunions de jeux vidéo. C'est ce que dit l'article de Hardgamers.com. C'est ce que demande Hardgamers.com. Nul ne le sait, mais un fait demeure, il est en perte de vitesse. L'article vient donc de Hardgamers.com. Comme via worthplaying.com, 3 Million Business Summit 2008. Mauvaise nouvelle, le monde virtuel EA Land, autrefois connu sous le nom de The Sims Online, les Sims Online, ne sera plus en fonction dès le 1er août prochain. C'est en effet ce qu'a annoncé Electronic Arts dans un communiqué sans pour autant spécifier la raison de cette fermeture. Les frais d'abonnement pour le jeu ne sont plus en vigueur depuis le 30 avril, ce qui signifie que vous pouvez continuer à jouer à The Sims Online gratuitement jusqu'au 1er août. The Sims Online qui a changé de nom pour devenir EA Land. Le service PayPal de The Sims Online qui permettait d'échanger de la vraie monnaie contre des monnaies de jeu n'est également plus en fonction. Afin de compenser les joueurs abonnés à EA Land, Electronic Arts offre un rabais de 15$ applicable à n'importe quel jeu vendu sur sa boutique en ligne EA Store ou encore 3 mois gratuits au service Pogo Club. Néanmoins, cette compensation n'est nullement appréciée par plusieurs amateurs de The Sims Online qui auraient aimé être avertis plus tôt de cette fermeture et qui auraient souhaité une compensation plus importante en raison des sommes parfois faramineuses qu'ils ont investies dans The Sims Online. Petit rappel, dernièrement, The Sims Online fut lancé en 2002, mais a connu un mince succès commercial. Donc, Electronic Arts a pris la décision de remodeler The Sims Online en EA Land en février dernier, ce qui a vraisemblablement pas été fructueux pour la firme américaine, donc échec total pour The Sims Online. Hideki Kamiya, le directeur du Feu Clover Studios, s'est montré très attristé en apprenant que le générique de fin de la version Wii du jeu Okami avait été modifié. Plus qu'une simple modification, par contre, c'est en réalité tout le générique qui a été refait en supprimant les noms de toute l'équipe de développement du jeu original sur PlayStation 2. Cette disparition est un choc pour Kamiya-san, non seulement parce que les crédits touchent à la fierté de son équipe, mais aussi parce qu'il dégageait une ambiance très spéciale en accord avec le feeling général du jeu. Ceux qui ont terminé Okami peuvent d'ailleurs témoigner de la beauté des séquences qu'on voyait. Il y avait un parchemin qui se déroulait et qui dévoilait les noms de l'équipe sur un fond de scénette rempli de poésie, ce que dit jeuxvideo.com. Si vous voulez voir la vidéo, c'est sur YouTube. Le lien est dans l'article. L'article s'appelle « L'arbre dans ses feuilles, Marino Mariné ». L'article s'appelle « Clover Studios supprimé du générique de fin d'Okami ». Allez voir ça sur unechance.com. Cliquez sur le lien pour voir la séquence de fin de Okami. C'est très, très beau. De son côté, Capcom, qui est la compagnie qui a repris donc Okami pour la Wii, Capcom justifie cette suppression par l'apparition en toute fin de générique du logo de Clover Studios, qui n'a plus lieu d'être puisque le studio a depuis fermé ses portes. Donc, au lieu de juste, tu sais, avec la technologie, tu sais, enlever ou arrêter le générique avant le logo, ils ont décidé d'enlever complètement le générique et de le refaire à leur façon. Donc, on a pu s'empêcher de faire le rapprochement avec la récente affaire de la jaquette du jeu, dont on a parlé, je crois, à la connexion, où le logo d'un site américain apparaît en surimpression sur la pochette du jeu sur la Wii. Si vous achetez Okami pour la Wii ou allez dans un magasin, regardez la pochette, regardez près de la gueule du loup. Il y a un logo de IGN qui est un site de jeux vidéo. Donc, il manquait tellement de matériel pour faire la pochette de Camille. L'équipe de Clover Studios, je sais pas s'il n'y avait plus le matériel pour faire une vraie pochette comme faut. Donc, ils sont allés sur un site de jeux vidéo. Ils ont tapé sur Google Okami. Ils ont pris ça, ils ont mis ça sur la jaquette. Et badaboum, badabing, gros coup d'argent. Cha-ching! Capcom n'a pas grand-chose à sa disposition, dit l'article, s'il doit supprimer des séquences de son titre et chercher des images sur Internet pour illustrer sa jaquette. C'est sur jeuxvideo.com, cette nouvelle Okami, selon les critiques, est un très bon jeu, très beau, très bien fait. Mais disons que Capcom, on n'est pas très fiers de vous sur ces coups-là. Hein? Comme on le disait sur une nouvelle de jeuxvideo.com, Matt Damon a refusé de prêter son image et sa voix au personnage de Jason Bourne dans l'adaptation jeu vidéo ou vidéo ludique de The Bourne Conspiracy, la mémoire dans la peau, en raison de la violence du jeu. Il donne à présent une explication plus précise de son choix et je cite « J'ai essayé de faire pression pour que le jeu ne soit pas un jeu d'action, mais plutôt quelque chose comme Myst, un intéressant puzzle qu'on devrait tenter de résoudre. Vous savez, jouer avec son amnésie, ses souvenirs. » Mais il n'était pas intéressé. Pour le coup, on accorde à Matt Damon que cette approche aurait sans doute été plus fidèle au livre de Robert Ludlum, mais on lui rappellera au passage que c'est tout de même clairement des films que le jeu s'inspire et qu'il n'a pas vraiment tourné dans un psychodrame à l'intrigue tortueuse. C'est ce que dit jeuxvideo.com. Donc Matt Damon qui a refusé de participer au jeu de Bourne Conspiracy, donc c'est quelqu'un qui ne lui ressemble pas, mais qui porte le même nom dans le jeu vidéo. Voilà. C'est tout pour le bloc de nouvelles F5 jeux vidéo pour cette semaine, les grosses nouvelles du monde des jeux vidéo. Maintenant, voici le top des jeux les plus populaires sur le site wallop.com. En cinquième position, on retrouve Mario Kart Wii sur la Wii. En quatrième, c'est StarCraft 2 sur le PC. En troisième, Metroid Prime Hunter sur la DS. En deuxième, Grand Theft Auto 4 sur la 360. Et évidemment, le jeu le plus populaire, c'est Grand Theft Auto 4 sur la PlayStation 3. Voici Plasticine et Zazie. Fait de la bicyclette toute la nuit. Oh, oh, oh, oh, oh. En 1966, Minnie Juppé Pop Music, Twiggy Flana Carnaby et Zazie part dans la nuit. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette la nuit. Fait de la bicyclette de Plasticine, c'est dans le palmarès francophone de C'est fou cette semaine. Ça fait très très été, j'aime bien, c'est relax, on aime ça. Plasticine, leur album c'est LP1. Maintenant, c'est la deuxième partie du bloc F5 informatique, donc les nouvelles qui ont marqué le monde des ordinateurs. Les Cubains peuvent se procurer les premiers ordinateurs personnels qui sont en vente sur l'île, maintenant que sont levées les anciennes restrictions concernant la vente d'appareils électriques dans le pays communiste. Depuis la retraite politique de Fidel Castro le 24 février dernier, son frère Raoul a décidé de permettre aux Cubains d'acquérir davantage de biens de consommation. En plus d'un ordinateur personnel, les Cubains peuvent aussi se doter d'un téléphone cellulaire ou d'un lecteur DVD. que maintenant seuls les étrangers et les entreprises pouvaient se procurer un ordinateur ou un téléphone cellulaire, alors que les autres produits électroniques comme les lecteurs DVD étaient saisis à l'aéroport. Malgré l'assouplissement des restrictions pour acheter un ordinateur personnel, il sera difficile pour la plupart des Cubains de s'en procurer un parce que la moyenne du prix des ordinateurs personnels est de 800$, tandis que le salaire mensuel moyen des Cubains ne dépasse pas 20$. Les rares Cubains qui auront le moyen de se procurer un ordinateur devront tout de même attendre avant de pouvoir accéder à Internet. Le gouvernement n'a toujours pas levé les restrictions concernant la toile, dont l'utilisation n'est permise que dans les écoles, les universités et certaines entreprises. Le gouvernement de Raúl Castro soutient en revanche que le Venezuela entend prochainement construire un câble sous-marin pour doter les Cubains de l'accès à Internet. Rappelons que la vente d'appareils électriques avait été interdite à Cuba dans les années 90 après le démantèlement de l'Union soviétique, qui avait alors privé Cuba d'une aide financière qui équivalait à plusieurs milliards de dollars et avait créé une pénurie en pétrole et autres ressources premières. L'article vient de Brochu.com via la BBC. Remplaçons des lettres par d'autres pour le reste des articles, pour le fun. YouTube ne semble pas appliquer les mêmes règles à l'église. L'église, ben tiens, un C à la place du G. L'église de Scientologie qui est assez critique. Il y a deux semaines, YouTube fermait la chaîne The New TV 1, lancée par Mark Bunker, un critique américain de l'église de Scientologie. YouTube a justifié ce geste en alléguant que Bunker avait déjà enfreint auparavant les règles de YouTube sur les droits d'auteur avec une ancienne chaîne, rapporte The Register. Selon les règles de YouTube, un utilisateur dont le compte a été résilié ne peut posséder ou créer d'autres comptes sur YouTube. Mais il semble que cette règle ne s'applique pas à l'église de Scientologie qui vient de lancer une chaîne sur YouTube. Or, en mars dernier, le New York Post rapportait qu'une chaîne lancée par l'église de Scientologie avait été fermée par YouTube sous prétexte qu'elle divulguait de l'information personnelle. La chaîne qui diffusait une vidéo montrant les photos et les noms des membres d'un groupe très critique envers les scientologues avait été revendiquée par un représentant de l'église de Scientologie tel que rapporté par le New York Post. Or, selon l'église de Scientologie qui a répondu à The Register, l'organisation n'a jamais eu de compte résilié sur YouTube. La décision de laisser les internautes choisir le prix de leur album In Rainbows en octobre dernier était une réponse unique à une situation particulière qui ne sera pas répétée avec le prochain disque de Radiohead, selon ce qu'a affirmé le chanteur du groupe Tom York en entrevue avec le Hollywood Reporter. Lorsque Radiohead a pris tout le monde par surprise l'an dernier en offrant la version numérique de In Rainbows sur le web, le quintet d'Oxford venait tout juste de mettre fin à sa relation avec l'étiquette EMI et je cite « Tout le monde nous demandait ce que nous allions faire si nous décidions de donner quelque chose aujourd'hui. Je ne crois pas que ça aurait la même signification », a expliqué Tom York au Hollywood Reporter dans le cadre du lancement du vidéo de All I Need, un vidéoclip coup de poing sur le travail des enfants dans le monde. Radiohead n'a jamais révélé si son initiative avait été un succès commercial ou non, mais elle a entraîné d'autres artistes de renom à essayer de nouvelles méthodes de distribution pour leur musique, dont Trent Reznor du groupe Nine Inch Nails, dont l'album instrumental Ghost 1 through 14 a été offert en partie gratuitement. Sur le web. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien pour aller télécharger Ghost 1 through 14 sur lunechance.com en passant par l'article qui s'appelle Radiohead ne donnera pas son prochain album. Voilà. C'est dur de bien prononcer les choses. Ghost 1 through 14. Depuis quelques jours, la NASA offre aux gens la possibilité d'envoyer leur nom sur la Lune. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un tout nouveau programme qui vise à reconquérir la Lune d'ici 2020. Le concept est assez simple. Les gens peuvent inscrire leur nom sur un site prévu à cet effet. La NASA va constituer une banque de données et cette banque sera transférée sur une puce électronique qui sera installée dans la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter qui doit être lancée vers la Lune d'ici la fin de l'année. La sonde LRO a pour mission de constituer une carte exacte de la Lune. Et je cite, « Notre objectif est de créer une espèce de Google Moon, un peu similaire à Google Earth », a expliqué l'ingénieur à la NASA Craig Tooley dans une entrevue à CBS. Et je cite encore, « Nous allons constituer un atlas destiné aux gens qui auront la responsabilité de retourner l'homme sur la Lune. » Avec le programme Apollo, la NASA avait comme objectif d'envoyer l'homme sur la Lune et de le ramener sur Terre sain et sauf. Dans le cadre du nouveau programme, la NASA se propose d'envoyer l'homme sur la Lune et de l'y installer en permanence afin qu'il puisse y vivre et y travailler. La NASA a confectionné un site web pour ceux et celles qui veulent participer à cette mission. C'est le lro.joapro.edu/namethemoon. Pas très beau comme adresse, mais c'est sur lunechance.com, ne vous en faites pas. D'ailleurs, la date limite pour s'inscrire, c'est le 27 juin. Et déjà, en tout cas, en date où l'article a été écrit, c'était le 5 mai. Donc, si on comprend bien, c'était hier, si vous écoutez le mardi. Plus de 550 000 personnes l'ont fait. La NASA fournit même un certificat officiel. Donc, allez voir lunechance.com pour le lien si ça vous intéresse. Si on se fie aux propos de l'inventeur du web lui-même, Tim Berners-Lee, le World Wide Web, l'Internet n'en est encore qu'à ses premiers balbutiements. Cette déclaration a été faite dans le cadre d'une entrevue à la BBC pour souligner le 15e anniversaire de l'ouverture de la toile au grand public. Dans les faits, Berners-Lee a créé le web en 89 alors qu'il était informaticien à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, le CERN. Il a mis de l'avant le système hypertexte de même que l'architecture en toile d'araignée afin que ses collègues de travail puissent partager des documents au sein du CERN. Puis le partage de documents a évolué à l'extérieur du CERN et 4 ans plus tard, le 30 avril 1993, le CERN annonçait que le réseau serait accessible à tous après avoir consenti à diffuser gratuitement le code source sous les pressions de M. Berners-Lee lui-même. 15 ans plus tard, le scientifique britannique estime que le web peut encore prendre n'importe quelle direction, mais il souhaite que ce soit la bonne, et je cite « C'est fascinant de voir les gens être en mesure de développer de nouveaux systèmes sociaux, de nouveaux systèmes de contrôle et de nouveaux systèmes de gouvernance. Mon souhait, c'est qu'un jour, tous ces systèmes entraînent de nouvelles façons de travailler pour qu'on puisse se gérer en tant que planète. » Jusqu'à présent, le web s'est révélé un outil efficace et puissant pour améliorer les choses, bien que l'on retrouve également du mauvais. Mais un jour, toutes les informations du monde seront à la portée de la... à portée de main pour tout le monde. Voilà, fin de la citation. Selon la BBC, le web compte actuellement plus de 165 millions de sites web. Et maintenant, voici la nouvelle pour vous faire peur! Hein? Les médias aiment beaucoup faire peur aux gens. Les scientifiques ont fait une découverte étonnante en testant les claviers d'ordinateur de bureau londoniens. Selon l'étude commandée par le magazine britannique Which Computing, un clavier est généralement 5 fois plus sale qu'un siège de toilette. Un des claviers étudiés a même dû cesser d'être utilisé car il comportait 150 fois la limite de bactéries recommandée. L'importante quantité de bactéries s'explique par l'habitude qu'ont certaines personnes de manger devant leur ordinateur. Les miettes favorisent l'augmentation du nombre de bactéries. Donc, vos claviers d'ordinateur sont plus sales que les sièges de toilette dans certains cas. C'est tellement le fun à savoir. Merci de nous faire peur comme ça, médias. C'est très, très intéressant. Surtout que, tu sais, il n'y a personne à date, en tout cas, à ce que je sache, qui s'est vraiment plaint de la saleté de son clavier. Le monde vit quand même. T'sais, on réussit à vivre notre vie. Moi, présentement, je parle dans un micro qui a été bavé dessus par une centaine d'animateurs depuis la semaine dernière. Donc, tu sais, je suis une console que des milliers de gens utilisaient avant moi. T'sais, on n'est pas mort, on se fait des anticorps. C'est comme ça. En tout cas. Donc, voilà. C'est la fin de ce bloc F5 informatique. Tantôt, on va faire un bloc à thème sur Grand Theft Auto. Hein? Grand Theft Auto 4 qui vient tout juste de sortir. Ça, c'est vraiment un classique déjà. Mais c'est déjà la fin de notre première heure pour la collection d'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Restez avec nous. Plus tard aussi, on va parler de ce qui s'en vient bientôt sur vos écrans. Avec la chronique bientôt sur vos écrans. On va faire un tour du net dans la chronique Autour du net. On aime ça, les chroniques qui vont droit au but comme ça. Écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Dans vos oreilles, au 89.1 FM. I'm losing sleep. So I walk these dirty streets. I heal by blood. Run through this neighborhood. I don't get it. This bed ain't filled with romance. This life ain't living. It's screaming in my face. Alright, on my knees. Yeah, not too late. I don't believe that man needs God. Thank God, not that long. Yeah.

Bivouac avec la pièce Dernier Round de leur album, le synopsis de notre histoire à la connexion. On parle technologie, informatique et jeux vidéo. Vous savez, si vous écoutez la connexion depuis longtemps, ou même si vous l'écoutez une fois depuis longtemps, c'est pas une émission à grand budget. Hein? Notre budget étant de rien. Hein? Donc, on a personne pour jouer à Grand Theft Auto 4 cette semaine. Donc, à la place, on va juste en parler. On va lire les articles des autres. C'est ce qu'on fait. On aime ça. Si on est habitué, on se prend pas pour d'autres. On fait ça. On commence avec Electroshock. Dance music, only on Electroshock. Electroshock est une des chaînes de radio dans Grand Theft Auto 4. On entend derrière moi. On va commencer avec les adeptes de la série qui ont patiemment attendu 4 ans pour obtenir leur nouvelle dose de GTA et qui ont fait la queue pour se procurer leur exemplaire du jeu. Certains magasins ont ouvert leurs portes à 8 heures pour vendre le jeu, qui a été salué par la critique à coup de notes parfaites. L'article de Jouet.com dit « Parions que le jeu obtiendra un succès à la hauteur des espérances des analystes financiers. » La série Grand Theft Auto a fait le saut sur les consoles de nouvelle génération. Elle stimulera certainement les ventes des consoles Xbox 360 et PlayStation 3, stagnantes depuis le début de l'année. Certains analystes estiment que Sony tirera davantage son épingle du jeu que Microsoft, même s'il y a plus de deux fois, plus de Xbox 360 en circulation que de PlayStation 3. Qu'à cela ne tienne, dit l'article, Microsoft se rattrapera lorsque Rockstar lancera cet automne du contenu épisodique exclusif à la Xbox 360. Donc, si vous voulez faire le choix entre Xbox 360 et PlayStation 3, il y a tellement de choses à peser. C'est incroyable. Sur la PlayStation 3, on s'achète un lecteur Blu-ray en même temps. Donc, un gros lecteur de Blu-ray de nouvelle génération pour vraiment pas cher. Du côté Xbox 360, t'as pas le lecteur Blu-ray, mais t'as des épisodes de Grand Theft Auto 4, c'est quand même pas rien. Electronic Arts se mordra les doigts d'avoir échoué dans sa tentative de mettre la main sur Take-Two avant le lancement de Grand Theft Auto 4. Take-Two ayant contré l'offre d'achat public hostile d'Electronic Arts. Ce qui étonne, dit l'article, c'est que le lancement du jeu suscite peu de controverses, moins que les précédents titres de la série. Dit l'article, moi je n'ai lu que de la controverse là-dessus, donc je pourrais dire complètement le contraire. J'ai vu plein d'émissions de gens, de n'importe qui chiale contre GTA 4, donc je me demande pourquoi l'article dit ça. Le jeu qui vous propose d'incarner Nico Bellic, bon, un ex-criminel de l'Europe de l'Est, fraîchement débarqué à Liberty City pour y rencontrer son cousin Roman. Le jeu a récolté jusqu'ici un nombre impressionnant de notes parfaites, même GameSpot et IGN s'entendent pour lui donner 10 sur 10. Ce qui est très très rare. J'ai entendu, je me rappelle plus c'est lequel, je crois que c'est IGN qui a donné genre 5 ou 6 notes sur 10, 10 sur 10 jusqu'à maintenant dans son histoire. Même chose pour GameSpot, ça faisait comme 5 ans qu'il n'avait pas donné 10 sur 10. Donc c'est quand même quelque chose de gros. Si la tendance se maintient sur Game Rankings, le jeu est promis à un bel avenir aussi. Si le jeu innove peu, dit Jouet.com, les critiques sont unanimes, ses qualités de production sont très élevées. Son contenu est extrêmement dense et son mode multijoueur est un pur délice. Alors, avez-vous mis la main sur votre copie du jeu? Demande Jouet.com. C'est la bonne question. J'imagine que vous êtes bien nombreux à l'avoir acheté plutôt cette semaine. C'est ça, la semaine dernière. Donc, moi, en tout cas, je suis allé d'entendre la musique en fond. C'est un petit peu dérangeant. Mm-hmm. À la place. Allons-y pour cela ici. Grand Theft Auto 4 est à peine sorti que déjà, il est sous le feu des critiques, dit rgamers.com. Or, il ne s'agit pas de figures politiques ou médiatique dénonçant le jeu. En tout cas, en date de l'article, je ne sais pas s'il était très, très renseigné, mais moi, j'en ai vu partout. Mais bien nombreux joueurs, plusieurs joueurs ont vécu des problèmes avec le nouveau-né de Rockstar Games. Selon des messages postés sur différents forums, dont ceux de GameSpot, de NeoGAF, de Xbox.com et de Sony, plusieurs joueurs ont vu leur copie du jeu gelée. Hein? Ce problème semble affecter davantage la version PS3 du jeu, bien que plusieurs joueurs aient rapporté la même chose pour la version Xbox 360. L'édition 60Go de la PS3 semble être la plus touchée et une suppression suivie d'une réinstallation du jeu n'a pas corrigé le problème pour tous les joueurs ayant vu leur jeu gelé. Rockstar n'a pas commenté la situation pour le moment. Mon article date du 29 avril, c'est complètement dépassé. Néanmoins, selon le site Kotaku, Rockstar Games est au courant du problème, mais ne sait quand elle sera en mesure de lancer un patch afin de le corriger. En fait, il semblerait que Rockstar ignore ce qui cause ce problème, faisant en sorte que certaines copies du jeu gèlent à divers moments. Donc voilà, c'est un article de rgamers.com via kotaku.com. Une réponse à ça de jeuxvideo.com maintenant. Conscient des problèmes de freeze de GTA 4 sur certains modèles de PS3, le support de Rockstar et non Rockstar lui-même qui reste discret sur la question, dit l'article, offre une solution de dépannage dans l'attente d'un véritable patch. Donc, si vous voulez les instructions, c'est un petit peu long et même vraiment trop compliqué. Mais quand même, allez voir les instructions GTA 4, une méthode simple, entre guillemets, pour éviter les freezes sur unechance.com. Voilà, donc, pour les instructions au niveau de la console et pour le jeu aussi. Dans une entrevue accordée à Times Online, la présidente de Rockstar North, Leslie Benzies, a annoncé que le développement de Grand Theft Auto 4 a coûté aux alentours de 100 millions de dollars. Tout indique qu'il s'agit d'un record, et je cite, « C'est comme créer une production théâtrale, quelques films et un album, et de les mettre dans un même produit », a affirmé Benzies. Pas moins de 1000 personnes auraient collaboré de près ou de loin au jeu. Par exemple, des caméras ont été installées sur les toits de New York afin de déterminer l'effet de la pluie sur la ville, imaginez. Depuis, pas moins de 100 000 photos ont été prises dans le but de créer Liberty City. Vraiment très fascinant. Mothers Against Drunk Driving est la plus récente organisation à protester contre le lancement de Grand Theft Auto 4. Le groupe dénonce que le jeu présente un mode où les joueurs doivent conduire en état d'ébriété, alors que ce comportement est un crime violent, pas un jeu. Pourtant, conduire en état d'ébriété n'est jamais obligatoire, même que le jeu vous recommande d'utiliser un taxi, dit l'article de JXP.ca. MAD croit que l'Electronic Software Ratings Board, l'ESRB, devrait réévaluer GTA 4 et elle demande à Rockstar d'arrêter la distribution du jeu. Évidemment, c'est toujours ça qu'on demande, tout à fait réaliste. Arrêtez de le vendre. Arrêtez ça tout de suite. Selon ChargeTrack, Grand Theft Auto 4 est devenu le meilleur vendeur de l'histoire du Royaume-Uni. Pour une période de 24 heures, la firme estime que 609 000 copies du jeu d'action ont été vendues en une seule journée, battant ainsi le record de Grand Theft Auto San Andreas, qui était de 501 000. ChargeTrack affirme que 55% des copies vendues sont sur Xbox 360. C'est donc 335 000 copies de la version Xbox qui ont trouvé preneur, ce qui bat le record de Halo 3 pour un jeu Xbox 360. Enfin, avec 274 000 copies écoulées, la version PS3 a battu le record de Gran Turismo 5 Prologue, qui était seulement de 80 000, donc pas tellement dur à battre pour un jeu comme Grand Theft Auto. Depuis la fin de semaine dernière, des images représentant des joueurs online de Grand Theft Auto 4 sous l'aspect de zombies en petites culottes circulent abondamment sur Internet. D'après les rumeurs, il serait possible de débloquer cette skin pour le mode multijoueur en atteignant le top mondial ou en tuant virtuellement, bien sûr, des employés de Rockstar. Mise à jour après l'enquête de jeuxvideo.com, il apparaît que le skin zombie est effectivement débloqué en tuant un employé de Rockstar ou simplement en dégommant quelqu'un qui en a tué un lors d'une session online, ou encore en tuant quelqu'un qui a tué quelqu'un qui a tué quelqu'un qui a tué un employé de Rockstar. Genre. À la manière de gentil virus, la skin est donc en train de se répandre à travers la communauté des joueurs à la vitesse d'une traînée de poudre. Donc certainement, on va voir de plus en plus de zombies en petites culottes dans Grand Theft Auto 4 en ligne. Multijoueur, pardon. Multijoueur. Ne disons pas n'importe quoi. Que je fais depuis le début. Alors que Call of Duty 4 et Halo 3 tenaient les deux premières marches du podium des jeux les plus joués sur la Xbox, sur le Xbox Live depuis quelques mois, l'arrivée du petit nouveau Grand Theft Auto 4 vient de changer la donne. D'après Aaron Greenberg, le grand Manitou de la Xbox 360 et du Xbox Live, GTA 4 est donc devenu le nouveau roi du pétrole en trois petits jours. Et le bonhomme d'en rajouter une couche en déclarant que le Xbox Live avait accueilli un gros million de Nico Bellic en herbe. Lors des premières 24 heures de commercialisation du jeu. Le rêve américain, si on veut. Et puis, pendant que nous sommes dans les gros chiffres, hein, pourquoi ne pas rajouter que 2 millions de succès ont été débloqués dans le même laps de temps pour un total de 15 millions de gamer points. Hein? Assez énorme, GTA 4 qui écrase tout sur son passage, dit jeuxvideo.com. À l'occasion de la sortie de GTA 4, le Rockstar Social Club organise un concours pas très social puisqu'il consiste à finir le jeu à 100% avant le 5 mai 2008 pour espérer remporter une clé de Liberty City. Là, évidemment, le concours est terminé, mais quand même, je vous renseigne. Il faut, pour ça, être membre du Rockstar Social Club. Je dirais pas que vous pouvez vous inscrire, mais le concours est terminé. Mais quand même, c'est intéressant comme nouvelle. Jack Thompson, on le présente plus, on en parle assez souvent à la connexion. L'avocat si obsédé par sa lutte contre le jeu vidéo et surtout contre Take-Two que la Cour suprême de Floride l'a récemment et lourdement sanctionné. Ce grand malade aurait vraisemblablement écrit une lettre ouverte à la mère de Strauss Zelnick, le dirigeur de Take-Two, lettre qui lui a fait parvenir par le biais de l'avocat de Zelnick quelques jours avant la sortie de Grand Theft Auto 4. Vous pouvez lire l'intégralité de ce courrier chez Wired en anglais dans l'article sur lunechance.com. Mais en substance, Jack Thompson y compare la mère de Strauss Zelnick à la meneuse d'un camp de jeunes hitlériennes. Hein? Zelnick étant lui-même mis côte à côte avec Ted Bundy, un célèbre tueur en série, citant même des passages de l'Ancien Testament faisant mention de l'importance d'une bonne éducation. Jack Thompson est complètement rendu fou, là. Thompson y va donc de son couplet habituel « GTA est la cause de plusieurs décès, est une œuvre pornographique violente ». Et tout ça, c'est la faute de Mme Zelnick, évidemment, puisque c'est son fils qui fait aujourd'hui tout ce qu'il peut pour en vendre un maximum aux enfants américains. C'est vraiment cohérent. Et je cite Jack Thompson. « En ce moment même, votre fils fait tout ce qu'il peut pour vendre autant de copies que possible de GTA 4 à des adolescents américains, pays dans lequel il dit avoir été élevé comme un Boy Scout, plutôt comme un membre des jeunesses hitlériennes, à mon avis. Bonne fête des mères, Mme Zelnick, qui tombe le 11 mai cette année, 2 semaines avant que votre fils ne lâche violence et pornographie sur les enfants d'autres mères. Vous devez être très fiers. » Enfin. Et sinon, quand est-ce qu'il est non seulement rayé du barreau, mais aussi un peu envoyé en cage de M. Thompson, demande jeuxvideo.com. Sérieusement, Jack Thompson fait rire de lui depuis toujours, et là, il dépasse les bornes. L'option de prostitution qui a été excluse de la version australienne de Grand Theft Auto 4 maintenant. Parlons de choses sérieuses. Prostitution, hein, Jack Thompson a raison d'en parler, là, parce que, regarde, on en parle ici. Rockstar a confirmé que les versions australiennes de Grand Theft Auto 4 ont été modifiées pour entrer dans les lois de classement des jeux là-bas. Donc, évidemment, bon, plusieurs gamers ont chialé, hein, et voulaient savoir exactement ce qui avait été enlevé. Rockstar refusait de révéler exactement quelle était la différence entre la version australienne et la version américaine, les autres versions du monde. Donc, GameSpot Australie explique en détail au moins un des changements qui a été fait. Il vient de recevoir la version 1 de ce jeu-là. Et puis, Nico, apparemment, dans la version australienne de Grand Theft Auto 4, Nico peut aller chercher des prostituées, mais une fois qu'il les amène dans un endroit reculé, la caméra change de position pour focusser sur l'arrière de la voiture, et on ne peut pas bouger rien. On ne peut pas bouger la caméra, on ne peut pas voir l'acte en tant que tel. Donc, dans la version américaine et ailleurs, quand Nico trouve une prostituée, il y a une option qui arrive qui demande si Nico veut payer 20$ ou 50$ pour le service. Une fois que je choisis le bon service, l'acte commence, mais à la place d'une caméra statique, le joueur peut tourner la caméra autour du véhicule et voir l'acte de tous les sens. Voilà, donc c'est la différence entre la version australienne et la version américaine de Grand Theft Auto 4. Une autre chose par rapport à GameSpot, il y a une page qui avait été publiée temporairement avec un score de 9.5 et ça a fait une controverse incroyable sur le net parce que vous savez comment les gens trouvent ça très important, les cotes. Hein? Oh, mais si GameSpot donne un 9.5, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, du compte, non, GameSpot voulait vraiment donner un 10 et qu'il y avait une page temporaire avant que le comité de sélection de notes, là, parce que bon, une fois que l'article est écrit, c'est tout expliqué dans l'article, mais une fois que l'article est écrit, il y a un genre de processus là, jusqu'à temps que le score devienne final. Et c'est ça qui est publié, ben là, par erreur, pendant quelques secondes à peine, peut-être quelques heures, le 9.5 est apparu, ça a créé la grosse controverse. L'article est super long, très intéressant selon moi pour savoir comment le processus de notes fonctionne, hein, mais pourquoi créer une controverse sur quelque chose d'aussi stupide que ça? On s'en sac-tu bien qu'il donne 9.5 ou 10? Qu'est-ce que ça change? En tout cas, donc allez lire ça, moi j'ai trouvé ça intéressant, j'ai lu au complet, c'est super le fun, mais c'est tellement con les controverses comme ça. Enfin bon. Autre chose que j'ai trouvé vraiment, vraiment conne, c'est une critique que IGN a fait exclusivement de Grand Theft Auto 4. Une critique exclusive avant tout le monde. OK? Critique vidéo, critique texte et tout ça. Mais la chose est que IGN est un partenaire de la compagnie derrière Grand Theft Auto. Donc, on se demande si c'est éthiquement troublant ou correct d'avoir l'exclusivité pour une critique alors que vous êtes partenaire avec la compagnie qui le produit. Enfin bon, si vous voulez lire l'article, celui-là aussi j'ai trouvé intéressant, c'est en anglais, j'ai lu au complet. C'est très très fascinant, mais je sais pas. T'sais, au pire, lis-la pas la critique. Quelque chose d'un petit peu plus troublant, et là dans le vrai sens du terme, la police britannique recherchait l'assaillant d'une personne qui a été poignardée alors qu'elle passait devant une file de consommateurs en attente d'acheter la toute dernière édition du jeu vidéo ultra violent Grand Theft Auto 4. Une centaine de personnes qui faisaient la queue en attendant que le jeu soit vendu à minuit lundi soir ont vu une personne portant un vêtement à capuchon sortir de la file à l'extérieur d'une boutique à Croydon, dans le sud de Londres, et poignarder à plusieurs reprises un passant de 23 ans selon les indications de la police. La victime a été traitée pour plusieurs blessures au couteau, mais a pu quitter l'hôpital un peu plus tard, a révélé le porte-parole du centre hospitalier. Les observateurs de l'industrie du jeu vidéo prédisent des ventes de quelques 6 millions d'exemplaires pour le jeu. La série Grand Theft Auto, dont 70 millions de copies ont déjà été écoulées, a été la cible de nombreuses critiques, évidemment lui reprochant son contenu de violence extrême et gratuite, de vente de drogue et de prostitution. Ça, c'est bien une nouvelle de Canoë.com pour parler dans ces termes-là. La plus récente mouture de cette franchise suit l'évolution d'un criminel de l'Europe de l'Est œuvrant aux États-Unis. Non, mais Canoë et TVA et Québécois, qui est tellement anti-jeu vidéo et anti-Grand Theft Auto. Il me semble qu'ils font de la polémique avec ça, ça n'a pas l'allure. Ah, dans quelle province vivons-nous? Voilà pour le bloc sur Grand Theft Auto 4. Vous voyez que je n'ai pas joué, que je ne connais personne qui a joué. J'ai été voir des critiques, j'ai été lire, j'ai été voir des vidéos, mais je connais quand même pas extrêmement gros le sujet. Donc pardonnez-moi pour les imprécisions dans ce bloc de nouvelles. Maintenant, voici la liste, et là c'est très spécial, voici la liste des franchises de jeux vidéo qui se sont le plus vendues dans le monde à travers le temps. On commence avec les jeux qui ont vendu plus de 50 millions de copies. Là, on parle de franchises et nombre de jeux en tant que tel. En cinquième position, on retrouve la série Grand Theft Auto qui a sorti pour la première fois en 1997 avec plus de 70 millions de ventes. En quatrième, c'est la série Final Fantasy qui a commencé en 87, maintenant rendu à 80 millions. En troisième, The Sims qui a commencé en 2000 avec 100 millions. En deuxième, Pokémon qui a commencé en 1996 avec 175 millions jusqu'à maintenant, créé en 95 au début c'était un jeu pour la console Game Boy et c'est devenu une série d'animés, de mangas, de cartes, de jouets, de livres, d'autres médias. C'est Nintendo qui en est propriétaire. Et finalement, la franchise la plus vendue, évidemment, vous l'aurez deviné, c'est Mario, qui a commencé en 81. 200 millions de ventes jusqu'à maintenant. La franchise de Mario a eu au-dessus de 200 jeux depuis sa première sortie. On le connaissait sous le nom de Jumpman dans le jeu Donkey Kong d'arcade. Le personnage a été créé par Shigeru Miyamoto et depuis est devenu la mascotte officielle de Nintendo, qui est propriétaire de la marque de commerce. Là, on descend. Si vous voulez aller voir sur Wikipédia, le lien est sur lunechance.com. Il y a la liste des jeux qui ont vendu plus de 20 millions, plus de 10 millions, plus de... En tout cas, etc. jusqu'à la position numéro 132. Donc, très intéressant sur Wikipédia. Voilà pour le top des franchises les plus vendues dans le monde. Voici une pièce de Cat Empire, So Many Nights, de leur album aussi nommé So Many Nights. It doesn't matter what I say, it doesn't matter what I do, it seems I'm gonna have to change my look for you, cause well, I've got two shoes, but they've been walked too far. And I think that we could float from evening to the stars. When I see you in the distance with your friends, I look around and I look down at my threads. It's inappropriate that I should present like a retired man. Slacks. Went to the barber, got my hair cut high. When I bought a ticket for the opera tonight. Well, I see you, your father's and your pride. It's nice to greet you with an interrupted stride. Besides, you say good evening, you don't say good. We'll be right back. The Cat Empire et la pièce de leur album So Many Nights à la connexion. Avant de passer en publicité, de passer à la dernière demi-heure, voici le quiz musical de la semaine. Nommez ce jeu sur Game Boy Advance. La réponse au retour de la pause de la connexion 89.fm. Je vous ai demandé de nommer le jeu qui joue derrière moi. Il est sur Game Boy Advance. Encore quelques secondes pour y penser. La réponse est Golden Sun sur Game Boy Advance. Bonjour, c'est la dernière demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette dernière demi-heure, on va parler entre autres de gadgets et des nouveautés en magasin. Hein? Bientôt, ils s'en viennent ces nouveautés-là. Tu sais, quand vous avez de l'argent l'été, ben, il faut la dépenser. Puis une bonne façon, c'est les jeux vidéo. En fait, c'est pas la meilleure des façons, mais c'est divertissant, donc c'est le fun. Il y en a qui chialent contre ça, ils vont dire « Hey, tu dépenses ton argent sur des jeux vidéo, qu'est-ce que tu fais là? » Non, c'est là, non, non, non. Non. A simple hi, and I could tell that her plainness was well seamless. And somewhere deep inside, she drove a calm and weightless determination, yeah. With an accent so careful I could feel each syllable. Wow, well I love things that seem impossible. And I love things that seem impossible. Well I love things that seem impossible. And I love things that seem. lover floating through the clouds, yeah. Ça, c'était The Cat Empire avec la pièce Panama de leur album So Many Nights. C'est très, très, très bon. Voici les nouveautés en magasin cette semaine. Oui, donc les nouveautés qui s'en viennent dans les magasins, on sait que Grand Theft Auto 4 va continuer au niveau des ventes à performer de façon plutôt grandiose, mais il y a quand même d'autres jeux qui sortent et ça intéresse certaines personnes, dont moi. On commence par les jeux qui sortent sur plusieurs consoles. SNK Arcade Classics Volume 1 sur la PS2 et la PSP. Il y a aussi Speed Racer sur la DS et sur la Wii. Sur DS seulement, il y a Toy Shop, il y a Brain Voyage et puis Crosswords DS, un jeu de mots croisés. Sur PC, Iron Man, Neverwinter Nights 2 Gold, Great War Nations, The Spartans et Baseball Mogul 2009. Sur la PSP, R-Type Command et finalement sur la Nintendo Wii, The Dog Island. Et le jeu que moi j'aimerais bien bien essayer, c'est Boom Blocks. C'est le nouveau jeu fait en collaboration avec Steven Spielberg. Un jeu que bien des gens trouvent étrange, c'est simplement un jeu où on doit faire tomber des blocs. Hein? On doit faire exploser des blocs. Hein? C'est spécial, c'est un jeu de puzzle. C'est pas pour tout le monde, mais moi j'adore. C'est un de mes styles de jeu préférés. En fait, je suis tellement strict dans les jeux que j'aime. Il n'y a pas beaucoup de choix pour moi, donc Boom Blocks, ça en est un que je devrais aimer. Sur la PlayStation, en passant, je n'ai pas de Wii, donc je ne pourrais pas jouer, c'est plat. Les amateurs de puzzles seront notamment contents de la venue du très étrange Echo Chrome sur le PlayStation Network, jeu qui inaugure à la parité du dollar canadien avec celui de nos voisins du Sud, on en parlait un peu plus tôt. Au niveau des jeux téléchargeables sur le PlayStation Store, les joueurs trouveront Echo Chrome, dont les versions PS3 et PSP sont vendues pour 10$. Ils auront aussi accès à la démo de Dark Sector, sortie voilà près d'un mois sur PlayStation 3. Quant au contenu supplémentaire, ça concerne principalement la musique. Il y a Zero Smashing Pumpkins pour Rock Band, Time Sick, Son of a Grizzly Bear de The Mother Hips pour Rock Band, Red Tandy avec The Mother Hips pour Rock Band et 42 nouvelles musiques pour Karaoke Revolution Presents American Idol Encore pour 1,50$ par pièce. Bien entendu, oui, de nouvelles vidéos de jeux et de films ainsi que des fonds d'écran sont aussi disponibles sur le PlayStation Store. Maintenant, dans les jeux qui s'en viennent dans un futur un petit peu plus éloigné, ceux qui n'ont pas encore leur permis de conduire, je lève la main ici, seront peut-être intéressés par la dernière annonce de Dreamcatcher. La firme lancera dès l'automne prochain le jeu Driver's Ed Portable pour la console Nintendo DS, qui sera un logiciel permettant de se préparer à un examen de conduite. Oui, c'est vrai. Le jeu offrira deux modes, à savoir Test et Train. Le premier comprendra des extraits de l'examen écrit des tests de conduite des 50 États américains, des 13 provinces canadiennes, hein, ça c'est intéressant, et de pays tels que la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Votre progression sera enregistrée au sein du jeu, de sorte que vous pourrez facilement voir où vous devrez vous améliorer et étudier afin de réussir le véritable test écrit. Le mode Train offrira quant à lui 3 mini-jeux éducationnels destinés aux apprentis conducteurs. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, ça. Dans son rapport annuel de 2007, Eidos a confirmé les suites de plusieurs de ses franchises Just Cause 2, Battle Stations Pacific, Tomb Raider Underworld. Bon, ça c'est bien, dit jeuxvideo.com, mais on était déjà un peu au courant. En revanche, un petit mot en fin de liste vient attirer notre attention comme une lumière le ferait d'un papillon. Hitman, oui, Hitman. D'après ce rapport, une nouvelle aventure du tueur chauve, le plus classe du monde, serait bel et bien prévue. En revanche, on ignore pour l'instant comment il s'appellera, quelles machines sont visées, quand ça sortira. Bref, on ignore à peu près tout, donc un nouveau Hitman est en chantier. Tout le monde a été confronté au moins une fois dans sa vie au célèbre cube Rubik, mais bien peu sont sortis victorieux de ce maudit casse-tête, dit encore une fois jeuxvideo.com. Généralement, ceux qui y sont parvenus se partagent en deux groupes, ceux qui ont démonté le cube pour le reconstituer proprement et ceux qui s'amusent à décoller les autocollants pour les réarranger comme il le faut. Dans Rubik's Puzzle World, rien de cela ne sera possible puisque cette déclinaison prendra place sur Nintendo Wii et sur Nintendo DS, avec au menu des défis tous basés sur le principe du cube Rubik, avec la possibilité sur les deux supports de se connecter à un réseau de joueurs, certainement pour demander de l'aide. Notez qu'un mode multijoueur permettra de jouer jusqu'à 4 sur la Wii et que tout cela sera disponible dès cet automne. Donc Rubik's Puzzle World, un jeu de niche qui risque vraiment pas de vendre beaucoup, mais qui est quand même à ma foi assez le fun à essayer au moins. Si les versions PS3 et Xbox 360 sont développées par Terminal Reality, c'est les éditions PS2 et Wii de Ghostbusters qui seront à la charge de Red Fly. On savait déjà que le jeu serait sensiblement différent avec par exemple un look beaucoup plus cartoon et un multijoueur en local sur un écran splitté. On apprend que la version Wii offrira la possibilité de se servir d'une DS comme de détecteur de fantômes. Donc c'est ça la nouveauté là-dedans, la DS qui servira à la Wii. La console portable émettra des blip-blip comme dans le film, pour signaler la présence de spectres dans les parages. Une option gadget un peu, mais qui aura très certainement son importance pour les fans du film. Donc on va voir s'il va y avoir d'autres jeux qui vont se servir de la DS avec la Nintendo Wii. Le fabricant des petites briques de plastique Lego transportera celle-ci en ligne avec la création de Lego Universe, un monde virtuel pour les amateurs de ce jeu populaire dans le monde entier. Le lancement de ce jeu massivement multijoueur et en ligne aura lieu l'année prochaine et Lego Universe permettra aux joueurs de se créer des versions en ligne d'eux-mêmes, appelées avatars, et d'interagir entre eux. Nous voulons établir la connexion entre le jeu numérique et le jeu physique, a dit Mark William Henson, responsable de Lego Universe. L'expérience physique constitue le noyau de notre produit et si l'expérience numérique ne remplacera jamais l'expérience physique, cela représente un ajout intéressant. Comme dans le cas de Lego Factory, les utilisateurs pourront commander les versions physiques de leur création en ligne et les recevoir sous forme concrète à domicile aussi. Il y a plein de détails dans l'article « Le prochain créneau de Lego, un monde virtuel » sur le site de l'émission au www.unechance.com. Voilà qui fait le tour pour les nouveautés en magasin et puis ce qui s'en vient bientôt sur vos écrans. Maintenant, voici les jeux et les consoles les plus vendus au Japon la semaine dernière selon Media Create. En troisième position des consoles, on retrouve la Nintendo DS avec 42 435 ventes. En deuxième, c'est la Nintendo Wii avec presque 49 000 ventes. Et pour un total de 9 094 927 ventes, la PSP est encore une fois en première place avec 92 411 ventes pour la semaine dernière. Côté jeu, en cinquième position, on retrouve Summon Knight sur la DS. En quatrième, c'est Taiko no Tatsujin DS2. Ça, c'est la suite de Taiko Drum Master. Vous savez, vous devez jouer du tambour avec vos baguettes de DS. Enfin, vos petits stylets, il en faut deux. Super le fun, je l'ai essayé. Oh, je devrais pas dire que je l'ai essayé, par contre. Ça pourrait être illégal. Donc, sur DS. En troisième, Valkyria Chronicles sur PS3. En deuxième, Monster Hunter Portable Second G sur la PSP. Et le jeu le plus vendu, c'est Mario Kart Wii sur la Nintendo Wii. Donc, voilà pour les jeux les plus vendus au Japon pour la semaine du 21 au 27 avril, selon Media. Regardons comment le temps file. Il ne reste que 15 minutes à l'émission, donc voici la chronique Go Go Gadget! Gadget à main! Gadget au chapeau! Gadget au poing! Qui c'est? Élastico Gadget! Dans la chronique GoGo Gadget cette semaine, des choses très intéressantes puisées sur le site ogizmo.com. On commence avec le Zip Holder, qui est une solution simple à un problème qui dure depuis toujours, une façon de garder votre zip bien, bien fermé en tout temps. Il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là. Donc, un problème assez important qui est arrivé à pas mal tout le monde. Donc, le Zip Holder, c'est une boucle élastique qui s'attache à votre zipper. Et quand c'est attaché, c'est placé autour de boutons. Autour du bouton sur votre pantalon, ce qui empêche le zip de s'ouvrir accidentellement. En fait, c'est tellement simple que vous n'avez même pas à l'acheter. Vous pourriez le faire probablement vous-même. Mais bon, allez voir Zip Holder via Smart Stuff sur le site de l'émission au unechance.com. Très, très bonne idée. Très bien fait comme petit gadget, mais vous pouvez certainement trouver une façon de le faire vous-même. Ensuite, laissez votre marque sur vos burgers, vos viandes, n'importe quoi, avec un genre de baguette, un peu comme les vaches. Tu sais, on étend les vaches. Mais là, on peut le faire avec les pains et les boulettes. C'est le Barbecue Branding Iron. Vous pouvez faire écrire n'importe quoi dessus, comme grillé par Mathieu, disons. Donc, vous avez 55. En fait, c'est même pas vous qui choisissez. Au lieu de dépenser une petite fortune pour faire votre propre message, vous pouvez acheter ça avec qui vient avec 55 lettres d'aluminium interchangeables plus 8 espaces pour épeler pas mal n'importe quoi. Qui crée un nouveau message à chaque jour, si vous le voulez. Vous pouvez probablement attendre que ça se refroidisse avant de changer les lettres. Par contre, c'est ce que l'article dit. Le Barbecue Branding Iron, ça se vend pour seulement 15$ sur solutions.com. Le Hard Disk Crusher, un appareil qui porte très bien son nom parce que c'est un appareil pour défaire vos disques durs. Donc, c'est vraiment pour le cruncher. Ça détruit au-dessus de 60 disques en 1 heure à 10 secondes par crush. Même si apparemment, en les additionnant, ça donne pas exactement le chiffre qu'il donne, mais quand même. Ça se branche dans une prise de courant. Il y a aussi un accessoire à pompe à main qui permet de détruire un disque dur à la main s'il n'y a pas d'électricité. Donc, je sais pas, il y a peut-être des gens qui en ont besoin. Moi, je trouve ça intéressant. Ça se vend 11 500$ avec une garantie d'un an. C'est beaucoup. EDR Solutions Hard Disk Crusher. Donc, ça peut servir dans certaines fonctions, j'imagine. Un siège valise maintenant, ça c'est toujours très très bien. Vous avez toujours un endroit où vous asseoir si vous avez votre valise avec vous. Donc c'est par Joan Corbs et Dennis Widenjick qui ont fabriqué cette valise qui peut être attachée à n'importe quelle clôture ou n'importe quel objet solide pour être utilisé comme chaise, comme siège. L'oreiller est une addition nécessaire à là-dedans pour que ce soit plus confortable. Même si c'est pas disponible à la vente, avec un petit peu de connaissance en termes de bricolage, vous pourriez peut-être vous fabriquer votre propre valise. Évidemment, il faudrait peut-être renforcer les pentures après cette valise. Donc, le briefcase seat via makeblog sur le wixmo.com passe par le site de l'émission ou unechance.com si vous voulez le commander. En fait, non, vous pouvez pas le commander, comme je le disais, mais si vous voulez voir les photos. Voilà ce qu'il fallait dire. Si vous êtes fan de GPS, je le suis devenu. Je trouve ça cool. GPS, j'aime ça. J'ai essayé deux fois à date. Je trouve ça cool. Maintenant vient la version papier de votre GPS. Oui, on revient vers l'arrière. C'est un paquet de 60 feuilles pour seulement 6,50 $ pour inscrire les instructions à la gauche, à droite, à telle place. Vous pouvez donc aller sur, mettons, Google Maps, taper l'adresse de destination. Vous recopiez ça sur votre papier GPS. C'est beau. Il y a même une option en bas à droite, on peut cocher « J'ai réussi » ou « Je me suis perdu ». Donc, c'est plus un article humoristique, mais c'est le Perpetual Kid Paper GPS. Allez voir ça sur lunechance.com. Le NeoCube, rapidement. NeoCube qui a peut-être absolument rien à voir avec rien d'utile, mais c'est quelque chose pour vous divertir. C'est un cube fait de 216 aimants sphériques que vous pouvez défaire et rattacher dans le modèle que vous le voulez. Donc ça s'enlève en morceaux quand vous tirez, disons, à la moitié. Ça va bien. Ça se défait pas en boule qui tombe à terre. Là, ça se défait en vrais morceaux que vous pouvez rassembler ensemble. Ça coûte seulement 40 $. Hein? Donc si vous voulez, allez voir la vidéo pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, le NeoCube. On peut faire des formes, n'importe quelle forme, des étoiles, des champignons de Mario, ce que vous voulez. C'est cool. C'est le NeoCube. Et puis finalement, ça c'est mon préféré de la semaine. Je suis content de pouvoir en parler. C'est Making Your Own Clock, Meaning of Time. The Meaning of Time, voilà, c'est une horloge concept pour ces gens bricoleurs. Donc dans le fond, ça ressemble à un suppositoire, premièrement, c'est très très spécial. Ça ressemble à une vis, un peu si on veut. Donc, avec heure et minute dans deux trous, un au-dessus de l'autre, heure dans un trou, minute dans l'autre, juste des trous, OK? Ce que vous devez faire après ça, c'est de trouver quelque chose pour combler les trous. On peut insérer n'importe quoi, on peut insérer une branche d'arbre, des crayons plomb, des cadeaux de fête, n'importe quoi, dans ces trous-là, et ça va servir d'aiguille pour l'horloge. N'est-ce pas la meilleure idée au monde? C'est génial. The Meaning of Time, une horloge... Un concept d'horloge, en fait. C'est pas une horloge que vous pouvez acheter. C'est Bomi Kim qui l'a fait. C'est un concept, donc malheureusement. Mais l'idée est tellement géniale pour faire votre propre horloge. C'est malade. Voilà donc pour le blog Google Gadget. Voici maintenant les logiciels les plus téléchargés sur download.com. En cinquième, on retrouve Avast Home Edition, un logiciel antivirus. En quatrième, ICQ, un logiciel de chat. En troisième, LimeWire pour chercher vos MP3. En deuxième, c'est AdAware 2007, un anti-espiogiciel. Et en première place, encore une fois, c'est AVG Antivirus Free Edition, le logiciel anti-virus. Voilà. Maintenant, passons à autre chose complètement. Voici le bloc Joyeux anniversaire. Parce que des fois, c'est important de dire quand c'est l'anniversaire de quelque chose. Le pourriel a eu 30 ans le 3 mai dernier. Si on suit à la petite histoire de l'informatique, le tout premier pourriel a été envoyé le 3 mai 78 par un employé de la compagnie informatique DEC. Il avait fait parvenir à 400 personnes ce courriel pour une invitation pour le lancement d'un nouveau produit. Ce geste avait été fait sans malice et à cette époque, la personne ne parlait pas de spam ni de courriel. Ce message non sollicité en avait tout de même agacé plusieurs. Si vous voulez lire la grande histoire du pourriel, allez voir l'article « Le pourriel à 30 ans » sur lunechance.com. Et finalement, le magasin virtuel iTunes Store d'Apple célèbre son 5e anniversaire. Autrefois, il s'appelait le iTunes Music Store, mais depuis, ils vendent des films, des vidéos de toutes sortes, des émissions de télé. Donc, ils ont fêté leur 5e anniversaire le 28 avril. Donc, ça a été lancé aux États-Unis. L'annonce avait son importance à l'époque puisque l'iTunes Music Store venait alors compléter l'offre musique numérique d'Apple qui avait alors décidé d'associer ses baladeurs numériques iPod à un magasin de musique virtuelle. Un couple gagnant puisque l'iPod reste le baladeur le plus vendu au monde alors que l'iTunes Store se révèle être le service de vente de musique le plus important sur Internet, allant même jusqu'à enregistrer des ventes supérieures à des magasins physiques ou virtuels comme Amazon ou Best Buy. En passant, à ce jour, plus de 4 milliards de morceaux de musique auraient été vendus via iTunes en l'espace de 5 ans d'existence. Ah, on aime ça, les choses comme ça. Voilà qui fait le tour pour les anniversaires de cette semaine et on termine l'émission comme on le fait quand on a le temps avec le bloc autour du net. Oh, qu'il s'en est passé des choses autour du net, comme très très souvent. Hein? À chaque semaine, des millions de choses se passent sur Internet et on aime bien vous en parler. Trestling, qui est un mélange entre Tetris et puis le tir au poignet, si on veut, comment on dit ça? Tu sais, le en tout cas. Donc, c'est très très hardcore. Vous pouvez aller voir le vidéo de ça. C'est sur Internet, c'est sur YouTube. Allez voir lunechance.com, les liens sont toujours là. Je suis en train de le regarder, je trouve ça juste bizarre. En tout cas. Donc, une seule règle dans... Non, j'essaie de lire en même temps la vidéo, mais ça se fait pas. Donc, Tetris plus Arm Wrestling égale le Trestling. Allez voir ça, unechance.com. On doit passer au suivant. Là. J'essaierai bien de vous raconter ce que c'est. Mais j'ai un petit peu de misère. Il y a une association complète de ça sur le quoi, j'essaie de trouver... En tout cas, je suis tombé mêlé aujourd'hui, ça n'a pas l'air. Sur le site de SN Mitsose. Hein? C'est un dessin de Bowser réaliste. Hein? Vous vous rappelez peut-être, il y a un bout, j'avais montré à la radio, un dessin de Mario dessiné de façon réaliste. Là, c'est Bowser. C'est juste plus différent. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. C'est une vidéo, vous savez, Rube Goldberg, là? Le Rube Goldberg device, que c'est quand tu prends, mettons, une bille que tu la lances sur quelque chose, puis à partir de là, ben, ça fait un genre de roulement là, qui se suit. Il y avait une pub de taux à un moment donné qui faisait ça aussi. Ça s'accroche sur un pneu, le pneu roule, pousse quelque chose d'autre. T'sais. Une réaction à la chaîne. C'est exactement ça. Et là, c'est pour des tablettes, une compagnie de tablettes. Très, très bien fait. Je crois que ça leur a pris 30 fois pour le faire, j'ai lu à quelque part. Ensuite, une autre vidéo, ça c'est sur le site de College Humor. C'est un gars qui est pris dans une classe, dans un cours, et qui on l'entend penser. Et là, il est en train de dessiner dans son cartable, et il regarde des filles à grosse poitrine, et puis on entend ce qui se passe dans sa tête. Hein? C'est dans sa tête, tellement fun. Un Flickr Pool sur le site d'hébergement de photos Flickr. On montre des billets d'argent américains qui ont été, si on veut, graffités. Est-ce que c'est un verbe? Donc, il y a des gens qui ont dessiné sur leur billet d'argent de drôles de choses. C'est très, très beau. Un gars qui joue au tennis ou un super-héros. Un gars qui porte un chapeau. Oh non, en fait, il est déguisé en la cacahuète Larachide de Planters. Très beau. Donc, c'est un bassin de photos posté là-dessus. L'autre affaire suivante, c'est un ordinateur, le Dell Vostro 1310, qui vient tout juste de sortir. Et ils ont pas mis les touches au bon endroit. Hein? La compagnie Dell, ils ont décalé les touches du bas, l'avant-dernière rangée, là, celle du ZX-CVB, est toute décalée d'une place, donc le Z se retrouve entre le S et le D, ou entre le A et le S. Essayez de taper avec ça, voir. Donc, en tout cas, il y a eu une grosse affaire là-dessus, et puis, c'est arrivé pour seulement quelques ordinateurs, et puis, ils espèrent pouvoir les changer, quelque chose du genre, c'est ça? Ouais, ils travaillent sur une résolution, en tout cas, à date, il n'y a pas encore de fin à ça. La dernière mise à jour est le 2 mai. Donc voilà, drôle de gaffe de la part de Dell. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on avait montré à la connexion la vidéo d'un gars qui avait été pris dans l'ascenseur. Ça a fait le tour du monde. Là. Le gars est pris dans l'ascenseur pendant plusieurs dizaines d'heures. Il finit par sortir après quelques temps et on le voit en accéléré. Là, c'est une parodie. C'est Trapped in an Elevator with Diarrhea. Donc c'est le gars qui... C'est exactement la même chose, mais le gars, il a la diarrhée. Et ça donne quelque chose d'encore plus drôle. Ben, pas encore plus drôle parce que c'était très dramatique et traumatisant la vidéo du gars dans l'ascenseur. Mais là, dans ce cas-là, on transforme ça en comédie, mais sans trop rire du gars, j'espère. Je l'ai vu, je trouve ça drôle. Version plus relaxe et plus familiale de Grand Theft Auto ou Late Night de Conan O'Brien, le talk show de fin de soirée de NBC. Donc, ils ont pris des extraits de Grand Theft Auto 4 et l'ont rendu plus familial. C'est juste drôle, je vais vous laisser aller voir ça. Il y a une deuxième partie aussi. N'oubliez pas de regarder la deuxième partie. Facebook dans la réalité, c'est le groupe de sketch idiotsofants.com. Idiotsofants.com, idiot savant, c'est un jeu de mots. L'émission de BBC, The Wall. Facebook dans la réalité. Donc, très, très, très, très bien fait. C'est Poke, Poke, Poke, le gars qui fait des pokes puis qui demande « Veux-tu être mon ami? Veux-tu être mon ami? » pareil comme sur le vrai Facebook. Ensuite, il y a un Easter egg, un œuf de Pâques dans Grand Theft Auto 4 à Liberty City. On peut entrer dans un cœur et entendre du battement de cœur. Allez voir la vidéo. J'ai posté ça sur lunchance.com. L'alcool qui rend les filles sexy. Un gars qui commence à boire de l'alcool et commence à trouver une fille de plus en plus sexy. Jusqu'à temps qu'à la fin, pour rendre ça très jeu vidéo, qu'il la prenne pour une Nintendo Wii. Donc, je vous casse le punch, mais c'est pour vous faire ça d'aller le voir. Je trouve ça drôle. Une parodie de Apple dans Grand Theft Auto. Il y a des photos de ça aussi sur lunchance.com. Quelques vidéos de Mentos et de Diet Coke, encore une fois, mais cette fois-ci à 1200 images par seconde avec la caméra Casio EXF1. Ça fait un très bel effet. Dessiner quelque chose, échanger là avec un étranger. Le top 5 des choses non violentes qu'on peut faire dans Grand Theft Auto. Une pétition pour arranger les problèmes de freeze dans Grand Theft Auto sur YouTube. Man in the Box, un sketch qui parle de Star Wars contre les sports. Et puis, là, je suis en train de faire autre chose pendant ce temps-là. Ah, voilà, c'est la fin de l'émission, presque. Les vrais restaurants de Grand Theft Auto comparés à la vraie vie. Donc, des photos qui comparent vraiment les scènes, parce que vous savez, Liberty City, c'est comme New York, mais modifié. Donc, on compare les vraies places aux fausses places dans Grand Theft Auto en photo. Très, très belle. 25 idées rejetées de Grand Theft Auto, et là, ça, c'est une parodie. Donc, ça, c'est aussi sur lunchance.com. Un gars qui fait du skate sur un tapis roulant, une espèce d'épée. Tu sais comment il y a des épées dans la vie? En voilà un. Il fait du skate sur un tapis roulant, il se pète la gueule, mais complètement. Et puis, néga critique de Joystick qui a pris tous les mauvais, les petits mauvais côtés dans les grandes critiques positives de Grand Theft Auto. Ils ont tout pris les petits côtés négatifs durs à trouver, les ont rassemblés dans une seule néga critique juste pour que vous voyez les mauvais côtés. Mais il y en a. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Voilà, donc c'est la fin de la collection pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'ai vraiment aimé passer tout ce temps et j'ai aimé avoir le temps de parler des choses que j'avais envie de dire à la collection cette semaine. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mardis à partir de 11h. On rappelle les jeudis à 11h et les lundis à 9h. Je vous retrouve aussi au poste d'écoute et dans les palmarès C'est fou, les deux autres émissions que j'anime. À la semaine prochaine, faites attention à vos genoux de la part de toute l'équipe fictive de la collection. Bonne semaine et bonne chance. Bye! Dash.com.